Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Diderot et Rousseau ne sont pas faits du même bois. Peut-être ne sont-ils même pas de la même espèce. L'un serait chien, sociable, affable, empathique et fidèle, mais aussi chasseur. L'autre, renard, sauvage et pourchassé. Malgré ces différences, Rousseau et Diderot deviennent amis, jouent ensemble, travaillent ensemble, s'aiment d'un amour tendre, avant que l'incompatibilité de leur caractère et de leur nature ne reprenne le dessus. Alors comment vont-ils vivre et survivre à cette impossibilité? Rousseau et Diderot, deux grands enfants brillants qui jouent avec les sentiments, rencontrent passion, conflit, rupture et fantômes, le chien et le renard, l'amitié comme dans un dessin animé. 1, 2, 3... Non, Rookie, tu as triché. Oh. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5... Oh, c'est pas vrai. Ça, alors. Un renard et un chien qui jouent ensemble. Quand on est deux copains, qu'on s'amuse deux, trois fois rien, on a une sacrée veine, on s'aime comme des frères, on se fait pas la guerre, la vie devient belle. Vous pouvez bien vous défouler sans que votre copain pense à vous critiquer. La vie devient belle. On est décontracté. Rookie. On partage les découvertes. Tâchez de la faire durer, cette belle amitié. Cette fête, je le souhaite. Oui, c'est beau, si beau. Restez toujours. Tu viens, Rookie. Restez. Rox. Alors moi, je propose qu'on reste toujours amis. Promis ? Oui, promis. Bonjour Franck Salin. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de littérature française du XVIIIe siècle à l'université de Montpellier. Vous êtes avec nous ce matin pour parler de l'amitié entre Diderot et Rousseau. Eux aussi, comme Rox et Rookie, se font la promesse d'une amitié à vie. Oui, alors la différence là, c'est que dès le début, ils sont très sérieux dans leur conception de l'amitié. On voit pas beaucoup de... Bon, ils ont chacun une forme d'humour, plus Diderot certainement, mais on ne voit pas beaucoup la dimension ludique, sauf peut-être au tout début, à l'époque où ils ont le projet d'un périodique qui aurait dû s'appeler le Persifleur, dont il ne reste que quelques lignes, et qui fait penser ce périodique à l'indigent philosophe, un périodique de Marivaux, très gai aussi, et on retrouvera certains traits du personnage dans le Neveu de Rameau. Donc il y a bien une dimension ludique, mais plus solennelle. Oui, plus solennelle, beaucoup plus exigeante, qui rejoint la définition de la philia, d'une amitié exigeante, philosophique, ayant pour priorité la vertu, la sagesse. Alors bien sûr, ils sont jeunes au début, quand ils se... En quelle année se rencontrent-ils? Alors ils se rencontrent en 1742, par l'intermédiaire d'un ami commun. Alors on peut imaginer, bien sûr, la camaraderie, une forme de camaraderie. Ils ont 30 ans à l'époque, à peu près. Oui, à peu près, et puis il y en a d'autres qui font partie de leur petit groupe, bientôt Condillac, ensuite Grimm, mais Grimm est l'une des causes de la séparation, de la distance prise par Diderot et Rousseau l'un par rapport à l'autre, puisque Diderot va devenir plus ami, finalement, au sens plus habituel du terme aujourd'hui, avec Grimm qu'avec Rousseau. Mais Grimm n'a pas l'étoffe d'un Rousseau, et Diderot le réalisera encore très tardivement, dans un de ses derniers textes. Il comprend qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir un ami comme Rousseau. Donc oui, il y a une forme de camaraderie, mais très tôt, cette exigence. Ce sont deux jeunes gens très, très cultivés. et qui admirent l'Antiquité et qui ont une idée de la vertu qui est elle-même très élevée. Alors, deux caractères. Mais c'est ça quand même. Voilà. Les caractères sont vraiment différents. Très différents. Très différents. Et alors, cette différence explique en partie l'attirance mutuelle. Hein. Rousseau semble introverti, timide, mal à l'aise en société. Diderot donne l'impression de vivre en dehors de lui-même, d'être entièrement dans l'échange. Alors, donc ça, je crois que c'est déterminant au départ, mais ça alimente aussi un malentendu, c'est-à-dire que Rousseau, manifestement, n'a pas les mêmes attentes à l'égard de son ami que Diderot. Hein. Diderot voit plutôt quelqu'un qui va entrer dans le groupe des philosophes, de ceux qui vont changer les choses. Il y a un esprit comme ça, collectif, chez Diderot. Rousseau a déjà le sentiment qu'il a une œuvre, donc des textes à écrire, de la musique aussi à écrire, mais aussi que sa vie est un enjeu. Sa vie, c'est aussi une œuvre. Et ça, ce n'est pas encore clair dans l'esprit de Diderot. Ça viendra tardivement. Hein. Il commencera lui aussi à se dire, bon, qu'est-ce qu'un individu et moi, que suis-je? Tandis que Rousseau l'intrigue. Rousseau a l'air de savoir qui il est. Alors que Diderot vit dans l'extériorité, dans le mouvement, dans le déplacement. Et dans le collectif. Oui, dans le collectif aussi, en particulier avec l'encyclopédie. Est-ce que ça veut dire que dans leur amitié se trouve en jeu une certaine conception? Certes, de l'amitié, on y viendra parce qu'ils prennent le temps de la définir, mais aussi de la philosophie. Ah oui, oui. Enfin, à mon avis, oui. Bon, assez rapidement, Rousseau emploie le terme philosophe, hein, les termes philosophe et philosophie, de façon péjorative. Pour lui, le terme sert souvent à désigner les philosophes modernes. C'est-à-dire justement ceux qui autour de l'encyclopédie, et donc en principe ça aurait dû viser tout de suite aussi Diderot, mais ce ne fut pas le cas. Ça, c'est une particularité. Hein, normalement, le chef de file de ces philosophes étant Diderot, Diderot étant surnommé le philosophe, il aurait dû beaucoup plus tôt se fâcher avec lui. C'est ça qui est assez curieux, mais on a l'impression qu'il lui pardonne, alors que est en train de croître dans l'écriture de Rousseau ce rejet des philosophes. Donc philosophe n'a pas exactement le même sens en ce milieu de 18e siècle qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, hein, qu'est-ce que ça veut dire pour alors c'est, souvent, ce sont justement les philosophes modernes, ceux qui veulent changer les choses. Donc Rousseau aura tendance à employer le terme philosophe de façon péjorative et il préférera la sagesse, le sage, le repli, la distance aussi, hein, comme posture. Alors que pour Diderot, le terme de philosophe, lui, il le revendique? Oui, Diderot revendique le terme de philosophe. Il est même considéré, nommé par les autres, comme le philosophe, ou encore le philosophe par excellence. Quand on dit le philosophe, c'est Diderot. C'est très intéressant de voir comment une conception de l'amitié, vraiment conception, donc au sens quasiment théorique du terme, peut être mise à l'épreuve par les faits. Et c'est ce qui se passe, cette rencontre entre ces deux, alors j'ose plus dire le terme de philosophe, mais ces deux intellectuels, disons, parce qu'au fond, divergent surtout dans cette amitié, la définition même de ce qu'ils entendent par amitié. On entendra un peu plus tard comment Rousseau définit l'amitié, on verra l'écart avec celle de Diderot. Mais d'abord, dans leur rencontre et dans le début d'amitié, il y a une forme de pacte qui s'est créé entre eux. Oui, alors, qu'est-ce que c'est que ce pacte? Oui, ça m'est arrivé de parler d'un pacte de sagesse entre eux. Je crois que ce sont des hommes de lettres brillants qui se sont reconnus comme tels. Hein. Ils ont en l'autre reconnu quelqu'un qui avait de l'étoffe, qui avait des exigences, un très haut niveau d'exigence, mais en ayant d'une part deux tempéraments extrêmement différents, on en a dit un mot, mais en ayant aussi une conception de la philosophie et une conception de la réalité opposées en réalité, enfin de fait. Hein. Diderot va de plus en plus affirmer un monisme, une conception matérialiste de l'univers, tandis que Rousseau, après diverses hésitations, va oser confesser Dieu chez les philosophes, dit-il, et réaffirmer le dualisme, sa croyance en l'âme, en particulier dans certains textes magnifiques comme Julie ou la Nouvelle Héloïse. Donc on a les deux dimensions. Hein. Ils sont attirés l'un par l'autre et en même temps ils sont attirés par ce qui brûle. Hein. Rousseau n'est pas fait pour s'entendre avec Diderot sur le plan philosophique. Rousseau ne pourra que souffrir de la fréquentation de Diderot qui est beaucoup plus à l'aise dans l'échange direct et dans la vie sociale, pas mondaine, mais sociale. Inversement, Diderot aurait pu deviner qu'il n'aurait que des difficultés avec Rousseau, car Rousseau est égocentrique. Rousseau ne comprend pas l'intérêt de l'encyclopédie. Enfin, il comprend qu'il est important de diffuser le savoir, bien évidemment. Et il accepte d'écrire les articles concernant la musique pour l'encyclopédie. Mais il ne comprend pas qu'on puisse, non pas se sacrifier, mais se consacrer ainsi à un ouvrage collectif. Et d'ailleurs, c'est assez troublant de voir qu'alors que Diderot est en train de mettre en place tout ce projet, avec plus de 100 collaborateurs, il y aura des dizaines de milliers d'articles écrits à réunir, Diderot dira qu'il encyclopédise. Eh bien, alors qu'il est en train de faire, que d'un côté Diderot est en train de préparer ce chef-d'œuvre du siècle, Rousseau lui écrit, mais occupez-vous de moi! Occupez-vous de moi! Je veux que vous m'aimiez! C'est ça qui est important. Et alors pourquoi un pacte, quand même? Alors, le pacte, enfin, ce que j'avais proposé de nommer le pacte de sagesse, c'était pour expliquer en quoi il ne suffit pas de tenir compte de la rupture. On a tendance à penser que, voilà, on aurait deux amis, un peu comme dans l'extrait au début. Rox et Rookie. Voilà, qui s'entendaient bien, et puis qui jouaient ensemble, bon alors, ou qui échangeaient ensemble, puis un beau jour, ils se seraient fâchés, et puis ensuite, ça aurait été fini. Alors, les choses sont pas passées comme ça. C'est-à-dire que même à l'époque où ils s'entendaient bien, ils n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc ils s'entendaient bien au sens où ils se reconnaissaient. Alors c'est ça le pacte, ce que j'ai proposé de nommer, le pacte de sagesse, c'est-à-dire que ce sont deux individus qui ont un point commun. Ils considèrent que la vertu reste un objectif en ce milieu de 18e siècle, alors que bien d'autres ambitions pouvaient s'affirmer. Donc en cela, ils se distinguent de ce qui est à la mode. Ils préfèrent le fond, si l'on veut, aux apparences. Donc c'est ça le pacte de sagesse. Essayez, alors Diderot n'emploiera pas cette expression, de vivre pour la vérité ou de vivre pour la vertu. Mais chez Rousseau, ça va devenir un programme très individualiste, alors que chez Diderot, c'est tout de même très rapidement une entreprise collective. Ils ont un autre point commun. Oui. Tous deux sont des prosateurs hors pair. Et on va entendre ce matin des textes absolument magnifiques. Franck Salin, vraiment, vraiment très beau, lu par deux comédiens. C'est Vincent Schmitt qui lit les textes de Diderot, Thibaut de Montalembert les textes de Rousseau. Et je vous propose qu'on commence à écouter ces textes en partant presque par la fin. Nous sommes en mars 1757, c'est le mois de la rupture, qui annonce vraiment une rupture. Et vous verrez dans le montage qui a été fait par Thomas Beau, comment de lettre en lettre, eh bien, on passe d'une déclaration d'amitié tendre et vraiment sincère à un échauffement. On ne sait pas trop d'où il surgit, c'est Rousseau qui l'exprime en premier, évidemment. Enfin, c'est peut-être pas si clair. Alors, écoutons cet échange de lettres donc de mars 1757 et vous nous direz ensuite, Franck Salin, comment on en est arrivé là. Savez-vous ce que vous devriez faire? Ce serait d'arriver ici et d'y demeurer deux jours, incognito. J'irai samedi vous prendre à Saint-Denis, où nous dînerions, et de là nous nous rendrions à Paris dans le fiacre qui m'aurait amené. Et ces deux jours, savez-vous à quoi nous les emploierions? À nous voir. Ensuite, à nous entretenir de votre ouvrage. Nous discuterions les endroits que j'ai soulignés et auxquels vous n'entendrez rien si nous ne sommes pas l'un vis-à-vis de l'autre. Je suis bien aise que mon ouvrage vous ait plu, qu'il vous ait touché. Vous n'êtes pas de mon avis sur les ermites. Dites-en du bien tant qu'il vous plaira. Vous serez le seul au monde dont j'en penserai. Encore y aurait-il bien à dire là-dessus si l'on pouvait vous parler sans vous fâcher. Je vous demande pardon de ce que je vous dis sur la solitude où vous vivez. Je ne vous en avais point encore parlé. Oubliez ce que je vous en dis et soyez sûr que je ne vous en parlerai plus. Adieu le citoyen. Adieu le citoyen. C'est pourtant un citoyen bien singulier qu'un ermite. Vous voulez venir à l'ermitage? Je vous en prie de n'en rien faire. Je vous en prie instamment. Dans la disposition où nous sommes tous deux, il ne convient pas de se voir si tôt, car il y a bien de l'apparence que ce serait notre dernière entrevue, et je ne veux pas exposer une amitié qui m'est chère à cette crise. Dans nos altercations, vous avez toujours été l'agresseur. Je suis très sûr de ne vous avoir jamais fait d'autre mal que de ne pas endurer assez patiemment celui que vous aimez à me faire. Et en cela, je conviens que j'avais tort. J'étais heureux dans ma solitude. Vous avez pris tâche d'y troubler mon bonheur, et vous la remplissez fort bien. D'ailleurs, vous avez dit qu'il n'y a que le méchant qui soit seul. Et pour justifier cette sentence, il faut bien, à quelque prix que ce soit, faire en sorte que je le devienne. Philosophe, philosophe. À quelque prix que ce soit, faire en sorte que je le devienne. Philosophe, philosophe. Madame d'Épinay m'a fait dire vendredi par monsieur son fils que vous arriviez samedi et qu'il était inutile que j'allasse à l'ermitage. Je comprends. Vous m'auriez chargé d'injures. Vous m'auriez fermé votre porte et l'on a voulu épargner un procédé qui m'aurait affligé et dont vous auriez eu à rougir. Mon ami, croyez-moi, n'enfermez pas avec vous l'injustice dans votre asile. C'est une fâcheuse compagnie. Une bonne fois pour toutes, demandez-vous à vous-même, qui est-ce qui a pris part à ma santé quand j'ai été malade? Qui est-ce qui m'a soutenu quand j'ai été attaqué? Qui est-ce qui s'est intéressé vivement à ma gloire? Qui est-ce qui s'est réjoui de mes succès? Répondez-vous avec sincérité et connaissez ceux qui vous aiment. Oh, Rousseau, vous devenez méchant, injuste, cruel, féroce, et j'en pleure de douleur. Méchant, injuste, cruel, féroce, et j'en pleure de douleur. Vous me parlez de vos services, je ne les ai point oubliés. Mais ne vous y trompez pas. Beaucoup de gens m'en ont rendu qui n'étaient point mes amis. Un honnête homme qui ne sent rien rend service et croit être ami. Il se trompe. Il n'est qu'honnête homme. Tout votre empressement, tout votre zèle pour me procurer des choses dont je n'ai que faire me touche peu. Je ne veux que de l'amitié et c'est la seule chose qu'on me refuse. Ingrat. Je ne t'ai point rendu de service, mais je t'ai aimé, et tu ne me paieras de ta vie ce que j'ai senti durant 3 mois. Le bruit de la plume qui gratte sur le papier, c'est sur France Culture les chemins de la philosophie, et cette correspondance extraordinaire entre Rousseau et Diderot dans le cadre de cette série d'émissions sur l'amitié entre les philosophes, aujourd'hui en compagnie de Franck Salin. Alors cet échange est riche, Franck Salin, alors on est à la fin, mais il annonce même à rebours, de quoi cette amitié a été faite? Oui, alors, en effet, les passages lus, là, sont extrêmement bien choisis, parce que la différence de perspective, bien que le lexique soit proche, on parle d'amitié, mais on voit aussi que les tournures sont proches de déclarations d'amour, en particulier venant de Rousseau, mais Diderot essaie de rester au niveau de cet échange. Mais malgré cette proximité dans la façon de parler de l'amitié et de l'amour, on voit bien qu'il y a un décalage puisque Rousseau est en train d'expliquer qu'au fond, lorsque Diderot lui rappelle qu'il lui a rendu toutes sortes de services, eh bien, il se méprend totalement et que ce n'est pas ça du tout qui est important. Ce ne sont pas les preuves d'amitié, comme on parle de preuves d'amour, mais c'est le temps passé avec lui, c'est l'attention exclusive qu'il voudrait bien lui donner. Or ça, évidemment, Diderot en est parfaitement incapable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent les services ou les lectures de Diderot. Diderot a passé une grande partie de sa vie à corriger les textes des autres. Ce que Rousseau n'a jamais compris, certainement. Alors ici, il y a une allusion au fait que Rousseau est en attente de quelque chose de la part de Diderot, mais c'est pas un cadeau, ce ne sont même pas tout à fait des lettres, c'est surtout de l'attention et de l'amour. De l'amour, bien sûr, de l'amour. Il est un peu amoureux de Diderot. En tout cas, il lui parle comme un amant impatient. Bah, il veut être aimé surtout, non? Il veut être aimé, mais il ne cesse de se plaindre auprès de Diderot du fait qu'il lui annonce sa venue puis qu'il ne vient pas. Et ça lui paraît interminable comme un amant qui attend temps celle qu'il aime. Alors il y a aussi une autre chose qui permet de voir la différence de perspective, c'est cette affaire de lecture. Diderot est un an plus jeune que Rousseau, mais Rousseau se conduit avec lui un petit peu comme avec un mentor. Il attend ses conseils. Et par exemple, il se plaint un peu plus tard du fait que Diderot a déjà des parties de Julie ou la Nouvelle-Héloïse, mais qu'il ne les a toujours pas lues. Ça fait des semaines qu'il les a, ça fait des mois peut-être, et il ne les a toujours pas lues, il n'a toujours pas de commentaires, hein, ne tenant pas du tout compte du fait que son ami est très occupé. Alors, Diderot lui annonce que quand ils vont être ensemble, il va lui donner du temps. Ils vont, parce que la correspondance ne suffit pas, ils vont enfin pouvoir parler de ses écrits. Et il le remercie aussi d'avoir dit des mots aimables concernant le texte qu'il lui a envoyé. Et alors, on sait qu'en réalité, Rousseau a été terriblement blessé par le texte en question. Hein. Il a pris pour lui la formule concernant les méchants. Alors racontez-nous cette histoire, parce que le terme de méchant, on vient de l'entendre, puis on va y revenir. Il n'y a que le méchant qui soit seul, d'où ça vient? Alors le mot méchant va prendre une signification toute particulière chez Rousseau. Il va revenir des dizaines de fois dans certaines lettres et encore dans Rousseau, juge de Jean-Jacques. Alors dans la pièce de Diderot, Le fils naturel ou les épreuves de la vertu, à un moment, le personnage de Constance dit à Dorval, vous renoncer à la société, j'en appelle à votre cœur, interrogez-le, et il vous dira que l'homme de bien est dans la société et qu'il n'y a que le méchant qui soit seul. Là, on est en 57, quand le texte paraît, et Rousseau le prend contre lui-même? Il le prend pour lui. Alors, c'est amusant, parce que en plus, quand il reviendra sur cet épisode, il dira que cette formule se trouve dans le texte d'accompagnement, c'est-à-dire les entretiens sur le fils naturel. Ce qui, évidemment, aurait eu une autre portée, alors qu'en réalité, cette expression se trouve dans la bouche d'un des personnages. Donc, rien ne dit que Diderot ait pensé à Rousseau en écrivant cette formule. Il y a une malheureuse coïncidence, mais comme ça a souvent été étudié, Rousseau a tendance à croire qu'on parle de lui. Ça s'appelle la paranoïa. Oui. Il s'applique à lui-même ce que l'on dit, surtout lorsque les textes en question ont été écrits par ses amis et au premier chef par Diderot. Hein, c'est le phénomène que Jean Starobinski a nommé le concernement. Et quand il lit... C'est plus joli que paranoïa, c'est vrai. Quand il lit certains textes, il pense qu'on parle de lui. Et s'il s'agit de Diderot, il est sûr qu'il s'agit de lui. Ça, mais c'est intéressant qu'il s'identifie au méchant, au seul, oui, parce qu'à celui qui est seul, parce qu'il revendique cette solitude, cet ermitage dont parle Diderot aussi dans l'échange qu'on a entendu, mais le terme de méchanceté. Oui, alors, ça a peut-être quelque chose à voir avec cette espèce de pacte dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils sont conscients, l'un et l'autre, de viser la vertu, de privilégier la vertu et la vérité, bref, d'avoir en projet ou comme projet une vie philosophique. Et chacun regarde où en est l'autre. Mais Rousseau, il consacre plus de temps dans ces années-là. Hein. Il observe, il se dit, mais est-ce que mon mode de vie est à la hauteur de ce que j'ai annoncé que je ferai. Alors quand il lit ça, eh bien il croit y voir une accusation. Hein. Au lieu d'être vertueux, eh bien vous êtes en train de vous isoler. Et s'isoler, c'est refuser la compagnie des hommes. Refuser la compagnie des hommes, est-ce que c'est encore être un sage dans les années 1750, au milieu du XVIIIe siècle? Pour Diderot, le philosophe fait partie de la vie sociale. Il est au milieu de la société. Et c'est là un grand décalage entre les deux. Rousseau conserve cette idée que le fait de prendre ses distances peut-être favorable à la recherche de la sagesse, à l'affirmation de la vertu. Il se défendra encore dans Rousseau, juge de Jean-Jacques, en disant qu'au fond, celui qui est seul ne peut pas nuire aux autres. Hein? Donc, il est autosuffisant, il recherche l'autarcie. Donc, si le méchant est quelque part, il est forcément dans la société, puisqu'il doit chercher à nuire aux autres. Oui, il le dit ainsi, il dit « Non, monsieur !» Alors, c'est Rousseau, juge de Jean-Jacques, c'est un dialogue particulier quand même, où Rousseau semble parler à lui-même à travers deux narrateurs fictifs. Donc voilà, on en revient à ce concernement, n'est-ce pas? Oui. Il écrit ceci, « Non, non, monsieur, le vrai misanthrope, si un être aussi contradictoire pouvait exister, ne fuirait point dans la solitude. Quel mal peut et veut faire aux hommes celui qui vit seul? Les méchants ne sont point dans les déserts, ils sont dans le monde. C'est là qu'ils intriguent et travaillent pour satisfaire leur passion de tourmenter les objets de leur haine. Celui qui veut s'engager dans la foule et s'y faire jour doit s'armer de vigueur pour repousser ceux qui le poussent, pour écarter ceux qui sont devant lui, pour fendre la presse et faire son chemin. L'homme débonnaire et doux, l'homme timide et faible qui n'a point ce courage et qui tâche de se tirer à l'écart de peur d'être abattu et foulé aux pieds, est donc un méchant à votre compte. Les autres plus forts, plus durs, plus ardents à percer seraient les bons. » Et ainsi, il retourne l'accusation contre Diderot. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que Rousseau a eu besoin de beaucoup de temps pour commencer à mettre Diderot dans la catégorie des philosophes modernes nuisibles au fond. Hein? Pendant de nombreuses années, il a considéré que Diderot était une exception. Certes, il avait des idées très éloignées des siennes, mais c'était un homme exceptionnel. Et puis petit à petit, il était donc convaincu que lorsqu'il était désagréable avec lui, c'était sous l'influence des autres, et en particulier sous l'influence de Grimm. Et puis on voit progressivement qu'il va finir par mettre Diderot aussi dans ce groupe de ceux qui complotent contre lui. Donc au début, Diderot aurait été embarqué dans un complot comme malgré lui. Et puis à la fin de la période, Rousseau en arrive à se demander si Diderot n'est pas l'un des principaux animateurs, voire le principal animateur du complot. Et alors du côté de Diderot, dans quelle mesure peut-on évaluer sa sincérité? Dans l'extrait qu'on a entendu, il est extrêmement tendre envers Rousseau. Hein, il dit « En ces deux jours, si je viens, savez-vous à quoi nous les emploierons? À nous voir ». Et ensuite à nous entretenir de votre ouvrage. Voilà, il faut que l'on soit en face. Je vous demande pardon si je vous blesse, etc. On sent énormément de soin, de tendresse et d'amitié. Dans quelle mesure est-ce l'expression d'une amitié sincère ou d'une prudence vis-à-vis d'un ego qu'il sait très susceptible? Alors, cette amitié des deux côtés, elle est manifestement tout à fait sincère. Mais comme chacun de nous le sait, parfois nous sommes obligés de tenir compte du caractère de l'autre. Donc là, il tient compte du caractère très particulier de Rousseau, mais il n'en demeure pas moins qu'il considère Rousseau comme un très grand écrivain, un très grand artiste, un grand penseur aussi. Alors avec des moments où il prend ses distances, hein, il finira par dire qu'il le méprise, etc. Mais à l'époque où il écrit cela, c'est sincère, il est désolé de ne pas pouvoir lui donner plus de temps, mais il a beaucoup de choses à faire. Et c'est ça, au fond, la différence. Ils ne vivent pas dans la même temporalité. Et ils n'ont pas non plus la même conception de ce que c'est que la vertu. Diderot ne croit pas que l'on puisse faire l'épreuve de la vertu ou que l'on puisse démontrer sa vertu tout seul. Il pense que c'est dans l'interaction que les qualités d'un individu s'affirment. Alors, je crois que là, on touche à un autre problème. À mon avis, c'est le problème de fond. C'est que Diderot et Rousseau n'ont pas du tout la même philosophie du sujet. Ils ne considèrent pas la personne du tout de la même façon. Pour Diderot, le sujet n'est pas donné d'avance. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'essence de la personne qu'on voudrait éventuellement renforcer ou manifester. Alors qu'on peut avoir le sentiment que Rousseau pense être quelqu'un de précis et de quelqu'un de déjà déterminé, ce qui lui permet de commencer les confessions en disant qu'il va faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Et qui ne connaîtra point d'égal. Voilà, qui ne connaîtra point d'égal. Mais ça veut dire qu'il va parler de lui. Ouais. Et il a une idée précise de ce qu'il est, lui. Alors, on va lui laisser la parole. Oui, très bien. Il va, à travers la voix de Thibaut de Montalembert, il va nous expliquer, dans une lettre à Madame d'Épinay, qu'il écrit au moment de sa rupture avec Diderot d'ailleurs, quelle est sa définition de l'amitié? Écoutons-la et puis on en reparle ensuite parce que, en fait, Rousseau s'est fâché avec Diderot, mais Rousseau s'est fâché avec tout le monde. Donc on verra ce qui, dans sa conception de l'amitié, peut-être pose problème. J'ai envie, puisque nous traitons de mes tracas récents avec Diderot, de vous faire ma déclaration sur ce que j'exige de l'amitié et sur ce que j'y veux mettre à mon tour. Reprenez librement ce que vous trouverez à blâmer dans mes règles, mais attendez-vous à ne m'en pas voir départir aisément, car elles sont tirées de mon caractère que je ne puis changer. Premièrement, Je veux que mes amis soient mes amis, et non pas mes maîtres, qu'ils me conseillent sans prétendre me gouverner, qu'ils aient toutes sortes de droits sur mon cœur, aucun sur ma liberté, qu'ils me parlent toujours librement et franchement, ils peuvent tout me dire. Or, le mépris, je leur permets tout. Le mépris d'un indifférent m'est indifférent, mais si je le souffrais d'un ami, j'en serais digne. S'il a le malheur de me mépriser, qu'il ne me le dise pas, qu'il me quitte, c'est son devoir envers lui-même. Leurs grands empressements à me rendre mille services dont je ne me soucie point me sont à charge, j'y trouve un certain air de supériorité qui me déplaît. D'ailleurs, tout le monde peut en faire autant. J'aime mieux qu'il m'aime et se laisse aimer. Voilà ce que les amis seuls peuvent faire. En qualité de solitaire, je suis plus sensible qu'un autre. Si j'ai quelque tort avec un ami qui vive dans le monde, il y songe un moment, et mille distractions le lui font oublier le reste de la journée. Mais rien ne me distrait sur les siens. Mon cœur n'a pas un instant de relâche, et les duretés d'un ami me donnent dans un jour des années de douleur. C'est pas facile, Franck Salin, d'être ami avec Rousseau quand même. Parce que non seulement il exige, mais en plus il se présente comme une victime. Oui. Donc on est piégé dans les deux cas. Ah, il a certainement, pendant une période de sa vie, été victime d'un groupe beaucoup plus solidaire. Il s'est retrouvé de fait tout seul. Alors, et qui plus est, il a aggravé les choses en ne reconnaissant pas suffisamment les bienfaits dont il avait bénéficié. C'est l'un des autres sujets de désaccord entre les deux hommes. Diderot essaiera d'expliquer à Rousseau de plusieurs façons, directement et indirectement, qu'il est normal dans la vie sociale de remercier ceux qui nous aident. Et Rousseau expliquera que non, les bienfaiteurs sont en position de faire des bienfaits ou d'aider les autres parce que la situation est inégale. Et donc, recevoir un bienfait, c'est presque une humiliation. Remercier pour un bienfait, c'est contraire à son éthique. Hein ? Ça, c'est très difficile à comprendre pour Diderot, qui en permanence est obligé de demander de l'aide à des amis ou d'aider certains amis. Alors, c'est l'un des liens qui existent dans la vie sociale. Donc, désaccord extrêmement profond, mais qui a beaucoup de sens dans les deux cas. C'est-à-dire que pour Rousseau, finalement, ces relations superficielles et inégalitaires empêchent un individu d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a à faire, notamment son œuvre. Tandis que pour Diderot, on ne peut rien faire seul. Donc il faut bien trouver des aménagements, trouver des consensus, des accords. Ça va finalement très très loin. Mais c'est aussi parce que, de toute façon, on n'est rien seul, hein, comme dit la chanson. Donc si on enlève toutes nos relations, il n'est pas sûr qu'il reste quelque chose, selon Diderot. Diderot est un penseur du sujet ou du moi en relation. Si le moi n'a pas de relation, il n'est pas sûr qu'il reste quelque chose. Il n'y a pas de contenu qui serait durable pour le sujet. Donc, on retrouve le problème de fond. Et puis, ensuite, s'agissant de leur relation à proprement parler, il est vrai que Rousseau est difficile, car en plus, il transforme la réalité. Hein, et il est extrêmement éloquent. Donc, les autres, l'opinion publique, risquent de croire Rousseau plus que ce que pourrait écrire Diderot. Ça, c'est une préoccupation très présente dans les dernières années et qui explique aussi l'écriture, la rédaction de l'essai sur les règnes de Claude et de Néron. De Diderot, en 1778, donc 20 ans après la rupture, il rédige cet essai sur les règnes de Claude et de Néron. Alors au départ, c'est pour accompagner une édition des textes, mais Diderot va donner une deuxième édition de ce texte, et c'est dans la version longue qu'il va revenir plus en détail sur le cas Rousseau. On l'écoute ? Oui. Donc 20 ans après la lettre que vous venez d'entendre de Rousseau à Madame d'Épinay, donc après sa rupture avec Rousseau. Mais par quel prodige, celui qui a écrit la profession de foi du vicaire savoyard, qui a tourné le dieu du pays en dérision en le peignant comme un agréable qui aimait le bon vin, qui ne haïssait pas les courtisanes et qui fréquentait volontiers chez les fermiers généraux. celui qui traitait les mystères de la religion de logogriffes absurdes et puériles et ses miracles de contes de peau d'âne, a-t-il, après sa mort, tant de zélés partisans dans les classes de citoyens les plus opposés d'intérêts, de sentiments et de caractères? La réponse est facile. C'est qu'il s'était fait anti-philosophe. Mais après avoir vécu 20 années avec des philosophes, comment Jean-Jacques devint-il anti-philosophe? Précisément comme il se fit catholique parmi les protestants, protestant parmi les catholiques, et qu'au milieu des catholiques et des protestants, il professa le déisme ou le socinianisme. Comme il écrivait dans la même semaine 2 lettres à Genève, par l'une desquelles il exhortait ses concitoyens à la paix, et par l'autre il soufflait dans leurs esprits la vengeance et la révolte. Comme il plaida la cause des Iroquois à Paris, et comme il eut plaidé la nôtre dans les forêts du Canada. Comme il écrivit contre les spectacles après avoir fait des comédies. Comme en prêchant contre la licence des mœurs, il composa un roman licencieux. Comme après avoir mis les jésuites à la tête des moines les plus dangereux, il fut sur le point de prendre leur défense lorsque l'autorité civile les eut bannis du royaume et l'autorité ecclésiastique retranchée du corps religieux. Mais est-il bien d'attendre la mort de l'ingrat, du méchant, pour s'expliquer sur sa méchanceté? Sans doute, lorsque sa méchanceté lui survit, et que « morto il serpente, non è morto il veneno ». Sans doute, lorsque la plainte eut entraîné, de son vivant, des éclaircissements nuisibles à la réputation et au repos d'un nombre de gens de bien. Quand le serpent est mort, le venin, lui, vit encore, Franck Salin. Oui, alors on voit 20 ans après, hein. On voit chez Diderot une tentative pour de prendre les devants, hein, sachant que là il s'agit des confessions. Hein, Rousseau a commencé à écrire l'histoire de sa vie et on sait dans le milieu des hommes de lettres, des gens de lettres, dans les salons aussi, qu'il va forcément parler de tout ce qui s'est passé. Donc des noms propres vont être cités ou en tout cas des personnes vont être reconnaissables et on s'inquiète car on le sait que partout où Rousseau est allé, partout où on a voulu l'aider, ça s'est mal fini. En tout cas, c'est ce que pensent les encyclopédistes et leurs proches. Donc, Diderot, manifestement, ne sait pas très bien comment anticiper le coup. Alors, lui et d'autres font circuler des informations qui, à leurs yeux, sont plus objectives, sont plus précises. À partir de 1765 environ, on commence à avoir des informations un petit peu plus précises sur les confessions. Puis, au début des années 70, Rousseau lit des passages des confessions. Donc il y a un risque réel et il va continuer, il va récidiver avec Rousseau, juge de Jean-Jacques, parce que dans Rousseau, juge de Jean-Jacques, en effet, il imagine un personnage qu'il appelle le Français et il veut expliquer à ce Français, alors c'est pas un hasard s'il est Français, hein, Rousseau c'est citoyen de Genève, la France est corrompue. Et en France, c'est surtout Paris qui est corrompu. Donc les philosophes modernes, ils sont à Paris. Alors il faudrait essayer de trouver un Français capable d'entendre les arguments de Rousseau. Donc il va lui expliquer qui est vraiment Jean-Jacques, pourquoi il a été victime d'un complot, et il va essayer de redresser cette image. Mais pour le faire, il faut qu'il adresse un certain nombre de reproches aux philosophes. Alors il vise plusieurs d'entre eux. Progressivement, on voit aussi que Diderot ne peut pas être exempté, ne peut pas être mis à l'écart de ce reproche, de ses reproches. Donc, on en arrive à se dire que il lui aura fallu du temps pour attaquer Diderot de front, finalement. Ce qu'il fait, il le cite pas. Il le cite, mais en revenant toujours sur la formule, hein, concernant le méchant. Donc, quand le terme méchant est repris, c'est souvent une allusion à ce traumatisme. Donc au fond, il en veut beaucoup à Diderot de l'avoir mis face à cette possibilité. C'est-à-dire, est-ce que je suis méchant ? Qu'il a lui-même créé. Qu'il a lui-même. Parce que si on en croit la sincérité de Diderot, qu'il n'était absolument pas question de Rousseau dans cette référence à oui, l'homme oui. seul, c'est Rousseau lui-même qui a créé cette possibilité. Oui, mais alors ça n'est pas lieu dû au hasard. C'est parce que tous deux, dans ce fameux pacte de sagesse, se sont donné comme exigence fondamentale de vivre pour le bien. De vivre pour la vertu. Donc le pire qu'il puisse faire, c'est de devenir méchant, de nuire à la vertu, autrement dit. Donc c'est ça, l'accusation ressentie, même si ce n'était pas le cas, par Rousseau, constitue un traumatisme, mais ce traumatisme est lié au fait que c'est pour lui le plus important de vivre selon le bien. Si on lui reproche d'être un méchant, eh bien, il ne peut pas le supporter, il va passer des années à essayer de démontrer que non, qu'il a certes un mode de vie très particulier, des exigences très particulières, mais que ses accusateurs ne savent tout simplement pas ce que c'est que la vertu. Mais d'ailleurs, quand on connaît la vie de Rousseau aujourd'hui, on voit sa correspondance et ses œuvres, c'est pas le terme de méchanceté qui s'applique à lui. Il y en a beaucoup d'autres qui s'appliquent à lui. Mais méchanceté au sens de nuire délibérément et intentionnellement à ses proches. Oui, c'est d'ailleurs l'un de ses arguments, de dire que le mode de vie qu'il a choisi l'empêcherait de toute façon de faire beaucoup de dégâts. Mais il y a un plan sur lequel il peut en faire, c'est celui de l'opinion publique. Il peut nuire à la réputation des autres et il peut aussi nuire au projet des encyclopédistes qui correspond à ce qu'on va nommer ensuite les Lumières. Il y a un problème avec Rousseau, c'est que si jamais on le croit, eh bien, le projet encyclopédique, le projet de diffusion des savoirs peut s'en trouver atteint. Et on retrouve d'ailleurs la fameuse thèse du discours sur les sciences et les arts. Est-ce que la diffusion du savoir est positive, eh ben est-ce que ceux qui diffusent le savoir sont vertueux ? C'est une autre façon. C'est pour ça que Diderot le qualifie d'anti-philosophe qu'on a entendu. Oui, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que autour de 1760, notamment du fait de la comédie satirique intitulée Les philosophes de Palissot, un certain nombre d'écrivains sont visés par des auteurs un peu réactionnaires, si on veut parler simplement. Et parmi ces auteurs, il y a Diderot, mais au passage, il y a aussi Rousseau. Ce qui fait que plusieurs hommes de lettres reprennent eux-mêmes, ce n'est pas une appellation qui est venue de l'extérieur, ils reprennent eux-mêmes l'expression, le terme anti-philosophe. Il y a même des pages de titre avec comme adresse au libraire des anti-philosophes, des formules comme ça. Donc anti-philosophe, ça veut dire quelque chose de... Ça a une signification précise autour de 1760, ça commence un petit peu avant. Donc quand Diderot accuse Rousseau d'être un anti-philosophe, il pense à cette clique, à ce groupe qu'on retrouve aussi dans Le Neveu de Rameau. Tous ceux qui se plaisent à dire du mal de ceux qui en réalité sont utiles. Ils diront du mal de Buffon, ils diront du mal de D'Alembert, ils diront du mal évidemment aussi de Diderot. Et il le dit bien dans cette lettre, hein, Diderot se demande comment, après avoir vécu 20 années avec des philosophes, comment Jean-Jacques devint-il anti-philosophe ? Et là, il fait une description implacable et impitoyable des contradictions de Rousseau, ce qu'il rend aussi insupportable que bouleversant en réalité. Oui, alors bien sûr, il exagère. Les deux, dans la dernière période... exagère, c'est-à-dire qu'il simplifie les thèses de l'autre. Diderot aussi simplifie la mauvaise foi les thèses est bien de Rousseau. Partagée. Voilà, et Rousseau ne nomme pas toujours Diderot, mais revient très souvent sur des thèses que l'on peut associer soit à Diderot, soit à plusieurs philosophes, par exemple, y compris dans des œuvres comme Julie ou la Nouvelle Héloïse, mais aussi dans l'Émile. Et il revient souvent sur le problème du matérialisme. Alors, Diderot n'est pas forcément cité, mais il peut y avoir des allusions à certaines œuvres, comme la lettre sur les aveugles. Parfois, c'est plutôt d'Holbach. Alors, en principe, on ne sait pas que d'Holbach est l'auteur des livres que nous lui attribuons aujourd'hui. On le saura tardivement. Mais tout de même, les textes sont très connus. Parfois, il y a des allusions à un autre philosophe matérialiste qui est Lamétrie, avec un amalgame, alors qu'on sait très bien que Diderot, par exemple, rejetait plusieurs des thèses de Lamétrie. Donc Rousseau, lui aussi, simplifie pour que la démonstration soit plus efficace, car il est extrêmement efficace, il est extrêmement éloquent, et c'est bien le problème. Ce qui est incroyable, c'est de voir que jusqu'au bout, de leur vie respective, on trouvera dans leurs travaux des références, des échos à cette amitié dont la fin les a blessés l'un et l'autre. Et cette amitié se transforme en une espèce d'amitié de fantôme qui vient hanter leurs travaux respectifs. Oui, alors tout à fait. Alors ce qui peut aider à comprendre la forme particulière d'amitié qu'ils manifestent, c'est le fait qu'ils se sentent, comme les philosophes antiques, amis de la vertu. Donc le bon ami, c'est celui qui est lui-même ami de la vertu. Donc au départ, ils ont l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui est lui aussi prêt à consacrer sa vie à la recherche du bien. C'est la situation initiale. Et puis, dans la dernière période, entre les deux, il se passe beaucoup de choses, évidemment, mais on va à la fin pour voir le contraste. Mmh. Dans la dernière période, ils en arrivent à décrire l'autre comme un ennemi de la vertu. Donc, il ne peut plus être un ami. Néanmoins, le temps passé ensemble a laissé des traces de l'attachement. Ils sont attachés l'un à l'autre. Et parfois, d'ailleurs, on trouve des expressions disant qu'il est difficile de se détacher. Et quand Diderot essaie de se justifier, d'expliquer pourquoi il a entretenu un commerce aussi long avec Rousseau, eh bien, il parle justement d'attachement. Et là encore, on trouve des termes qui sont proches de l'amour. On ne se détourne pas aussi vite de quelqu'un qu'on a autant aimé. C'est pas une citation, mais c'est ce que cela veut dire en substance. Donc, un décalage très, très marqué. Alors, dans les œuvres après la rupture, qui ont été écrites après la rupture, les allusions peuvent être de différents types. Donc, parfois, le nom propre de l'autre peut apparaître. Parfois, des titres d'œuvres peuvent apparaître. C'est le cas dans Rousseau, juge de Jean-Jacques, le nom propre Diderot apparaît. Mais dans bien des cas, le nom propre n'est pas là et il y a des allusions. Et alors, pour décrire ce phénomène, on pourrait être tenté d'employer une analogie avec les phénomènes de rémanence. C'est-à-dire qu'on est en train, vous êtes en train de lire un texte, vous ne pensez pas spécialement à Diderot, puisque vous êtes en train de découvrir la vie de Julie et de Saint-Preux, enfin la vie rêvée par Saint-Preux, et puis ensuite la vie de Julie avec son mari, Volmar. Et puis de temps en temps, remonte à la surface du texte l'image de Diderot, ou une formule, ou un risque représenté par Diderot. Par exemple, lorsque dans Julie ou la nouvelle Héloïse, il est question des promenades de Julie avec Volmar. Eh bien, l'écrivain Rousseau explique qu'au fond, ils ne peuvent pas tout partager, car Volmar est matérialiste. Volmar est athée. Donc, autour de lui, il ne voit que de la matière, qu'un flux. Tandis que Julie reconnaît la main de la Providence. Alors apparemment ça n'a rien à voir, mais en réalité c'est une façon de faire revenir le grand thème, l'un des grands thèmes qui les a opposés, et que Diderot n'est pas le seul à représenter, mais Diderot aussi tenait ce genre de discours, notamment dans la lettre sur les aveugles, dans d'autres textes. Et ça marche dans l'autre sens. Donc, ils sont pas forcément cités, et ce n'est pas non plus une simple intertextualité. C'est-à-dire que c'est pas forcément une reprise d'un lexique ou de situation. Non, c'est pour ça que je parlais de fantôme. Oui, hein. Voilà. Il y a un côté fantôme, il y a un côté spectral, il y a une forme de hantise littéraire, mais littéraire au sens descriptif. C'est-à-dire, ça se passe dans des textes. Mais fondamentalement, c'est une hantise. Il faut peut-être minorer un peu la dimension psychologique et faire revenir au premier plan la dimension philosophique. Rousseau représente un problème pour Diderot, et réciproquement. Alors, certains se sont même demandé s'il n'y avait pas une tentation parfois, car quand on y réfléchit bien, il n'est pas si facile que ça de démontrer l'existence de Dieu à partir du monde extérieur, et inversement, de démontrer que la pensée peut naître de la matière. Il faut, mon cher Diderot, que je vous écrive encore une fois dans ma vie. Vous ne m'en avez que trop dispensé, mais le plus grand crime de cet homme que vous noircissez d'une si étrange manière est de ne pouvoir se détacher de vous. Je suis un méchant, mais pourquoi le suis-je? Prenez bien garde, mon cher Diderot, ceci mérite votre attention. On n'est pas malfaisant pour rien. S'il y avait quelque monstre ainsi fait, il n'attendrait pas 40 ans à satisfaire ses inclinations dépravées. Considérez donc ma vie, mes passions, mes goûts, mes penchants. Cherchez, si je suis méchant, quel intérêt m'a pu porter à l'être. Moi qui, pour mon malheur, portais toujours un cœur trop sensible, que gagnerais-je à rompre avec ceux qui m'étaient chers? À quelle place ai-je aspiré? À quelle pension? À quels honneurs m'a-t-on vu prétendre? Quel concurrent ai-je à écarter? Comment peut-il revenir de mal faire? Je voudrais que vous puissiez aussi réfléchir un peu sur vous-même. Vous vous fiez à votre bonté naturelle, mais savez-vous à quel point l'exemple et l'erreur peuvent la corrompre? Vous pouvez avoir été séduit et trompé. Cependant, votre ami gémit dans sa solitude, oublié de tout ce qui lui était cher. Il peut y tomber dans le désespoir, y mourir enfin, maudissant l'ingrat dont l'adversité lui fit tant verser de larmes et qui l'accable indignement dans la sienne. Il se peut que les preuves de son innocence vous parviennent enfin, que vous soyez forcé d'honorer sa mémoire, et que l'image de votre ami mourant ne vous laisse pas des nuits tranquilles. Diderot, pensez-y, je ne vous en parlerai plus. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you Tell no insane no more. On imagine totalement Rousseau sur scène à la place de Joe Cocker, crier sa demande d'amour et d'aide venant de ses amis. Merci beaucoup Franck Salin d'être venu nous en parler ce matin. Vous aviez un tout dernier mot à ajouter? Oui, si on pense à la définition célèbre d'Aristote de l'amitié, hein, l'ami est un autre soi-même, on peut considérer que pour Diderot, l'ancien ami, c'est-à-dire Rousseau, est un soi-même autre. Hein, c'est une énigme. Il l'interroge en permanence et de son côté, pour Rousseau, les choses sont un peu différentes. C'est-à-dire que Diderot, à ses yeux, a perdu son statut d'exception. C'est devenu une voix, la voix des philosophes et à laquelle il oppose la voix de la conscience. Merci beaucoup. On peut lire de vous notamment, vous avez dirigé un ouvrage Diderot Rousseau, un entretien à distance aux éditions des Jonquères. On mettra les références des ouvrages en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Il est grand temps sur France Culture de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous revenez aujourd'hui sur le débat entre Emmanuel Macron et les intellectuels. C'était lundi soir, le 18 mars, à 18h et quelques, et ça a duré 8h et quelques. Plus de 60 intellectuels ont été conviés par le président de la République à échanger sur les plus grands sujets du moment, laïcité, gilets jaunes, école et recherche, climat et fiscalité. Parmi ces intellectuels, les philosophes étaient en bonne place. Ils étaient 8 à figurer sur la liste des invités. Seuls 3 sont pourtant intervenus. Frédéric Vorm, c'était le premier à prendre la parole, c'était à 19h. 19h44. Je pense que dans la tradition française, l'intellectuel, c'est celui qui articule la science et les principes, et aussi, évidemment, dans des institutions qui permettent une discussion et avec les citoyens, auquel il faudra revenir au-delà de ce débat. Donc la question, c'est aussi, au-delà de ce débat, qui n'est pas un épilogue, mais quelle relance pour le débat. Dans la science, et c'est vrai que la science est menacée aujourd'hui, il y a les conditions de nos vies aujourd'hui et comment les améliorer. Non seulement comment lutter contre les régressions, mais comment quand même améliorer nos conditions de vie. Mais ça ne s'améliorera plus non plus sans les principes. Les intellectuels, au fond, et il y en a de nouveau dans le monde qui payent cela de leur vie aujourd'hui, je pense qu'il faut rappeler. Les intellectuels, ça a toujours été ceux qui plaident pour l'universel, pour les libertés, également pour des limites aux inégalités. Quelle place accorder aux intellectuels dans la réflexion et l'action politique? Jusqu'où les intellectuels peuvent-ils servir, critiquer ou éclairer le pouvoir? Comment débattre avec le président de la République sans être à son service? Ce sont quelques-unes des questions, mais aussi des objections qui sont apparues autour de ce grand débat d'Emmanuel Macron avec les intellectuels. Ces questions sont légitimes et elles sont en plus philosophiques. Sartre a bien théorisé cette position de l'intellectuel, Aron a bien parlé de spectateur engagé, sans oublier, pour faire un peu de name-dropping, Platon et son philosophe roi ou encore Machiavel, le conseiller du prince. Et d'une certaine manière, Frédéric Worms a rouvert ce type de méta-interrogation en prenant la parole pour demander quel rôle de médiation pouvait jouer cette parole du philosophe. Quelques minutes plus tard, à 19h53, c'était au tour de Monique Cantos-Perber. On a en quelque sorte deux tendances contradictoires, en tout cas à première vue incompatibles, entre une demande de participation politique de plus en plus forte et puis des pratiques gouvernementales en France et dans d'autres pays, c'est une tendance générale, qui semble aller dans une direction opposée. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cette difficulté, parce que sinon les solutions que l'on propose risquent d'être peu praticables. Or, l'enjeu est de taille. Restaurer et fortifier la participation politique, revenir au fond à un exercice de la liberté politique qui hante la tradition libérale en démocratie depuis très longtemps, est quelque chose d'essentiel. Si comme l'a précisé Frédéric Worms, les philosophes ont à débattre des principes, on peut dire que Monique Cantos-Perber a accompli ce geste en discutant des conditions de possibilité du débat, partant de ces deux tendances contradictoires actuelles, d'un côté le souci d'efficacité de l'exécutif et de l'autre l'envie des citoyens de participer au débat public, ce qui nécessite à contrario du temps. Après donc, quel rôle et quelle valeur accorder à la prise de parole philosophique, la question était bien, quelles conditions dégager pour ces prises de parole? Mais il restait une troisième question d'ordre philosophique, puisqu'à 20h39, c'est Souad Ayada qui est intervenu. On a en quelque sorte deux tendances contradictoires, en tout cas à première vue incompatibles, entre une demande de participation. Vous souhaitez organiser l'islam de France, lui donner un cadre et des règles qui soient en conformité avec les lois de la République. Si les deux enjeux majeurs de votre projet sont le financement du culte et la formation des imams, beaucoup d'autres ambitions plus ou moins clairement formulé, dresse, me semble-t-il, un très vaste programme pour lequel je vous souhaite bon courage. Sortir les fidèles musulmans vivant en France de l'influence des puissances étrangères, construire une nouvelle structure de représentation des musulmans de France, réguler l'islam de France, casser les maillons de la chaîne qui vont de la foi au terrorisme islamiste, rendre l'islam compatible avec la République et, enfin, rien que cela, séparer en islam la religion et la politique. L'intervention de Souad Ayada s'insérait, comme on l'a compris, dans une réflexion sur l'islam et discutait clairement principes. Mais se jouait également ce rapport du politique à la philosophie et peut-être plus largement aux spiritualités. Non plus quelle place pour la philosophie face à la politique, mais quelle intervention de la politique dans ce qui relève des croyances et des convictions. Ce qui apparaît ainsi au fil de ces trois interventions, c'est peut-être ce fond irrésolu, en suspens du « pourquoi débattre ? À quoi bon au fond débattre ? Qu'est-ce qu'on en attend ? S'agit-il de se mettre d'accord pour discuter ou se mettre d'accord en discutant ? Échanger chacun son point de vue ou les partager ? Trouver des solutions ou enfin s'en tenir à une pluralité de remèdes ? Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. On est en retard, je fais juste mes déclarations d'amour et d'amitié à l'équipe des Chemins de la philosophie qui tous les jours rendent cette émission possible. Thomas Beau, Elsa Le Saulnier qui a préparé cette émission, Colomba Grossi, Isis Jourda, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna, sa voix bien sûr, Nasser Moussaoui qui est à la prise de son aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour la suite de notre série sur les amitiés de philosophes. Demain on parlera d'Anna Arendt et de sa vie de correspondance.